Là, c'est bon. Okay. Qu'est-ce que fait on invite à faire venir par contre, bien, nous allons reprendre si vous lui pouvez faire rentrer les personnes qui sont à l'extérieur. Attention. Bien, nous allons reprendre dès maintenant si vous le voulez bien. Je tiens à remercier Christelle Cournil de m'avoir invité à participer à vos travaux, n'est-ce pas? Comme passeur de parole, c'est déjà essentiel. Mais sur un thème dans lequel nous devons simplement imaginer l'avenir. C'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant, exaltant pour des juristes, imaginer l'avenir. Et c'est une imagination continue qui a traversé le droit de l'environnement depuis son origine jusqu'à ses développements actuels. Alors j'étais facilement convaincu de venir à cette session qui me passionne, bien entendu, mais surtout j'avais été séduit par quelque chose de très simple, vous ne vous attendez pas à ça, mais dans votre petit sigle qui est ici, il y a 3 fois le mot justice. Alors évidemment, dans ces conditions-là, je ne pouvais être que, comment dirais-je, attiré complètement sur cette notion de justice qui est pour moi le levier. Vous avez vu les exposés ce matin, c'est le levier complet de l'évolution du droit et de la modification des conduites législatives, si j'ose dire. Il est vrai d'ailleurs, que je ne vous cacherai pas, que bien entendu le rôle de l'État est tout à fait fondamental, mais l'État n'a pas d'imagination. L'État est simplement poussé. Mais la justice, c'est autre chose. La justice fonctionne très différemment des parlements, quelle que soit leur dimension, puisqu'ils ont 3 impératifs, la justice. 1, quand elle est saisie, elle est obligée de se prononcer, alors que les États, les parlements et d'autres institutions peuvent différer une question, et comme disait la Bruyère, le moindre des choses pour rendre la justice, c'est de ne pas la différer longtemps. Donc la justice est obligée de statuer. Deuxièmement, elle statue sur le contradictoire. C'est fondamental parce qu'elle peut avoir une base scientifique. Elle fonctionne suivant le modèle scientifique. Et troisièmement, elle crée des précédents. Alors, il faut faire confiance au nouveau développement, au mode de développement de la justice dans l'état actuel des choses. Et en particulier aussi, ça a été évoqué par Yann Kerbrat tout à l'heure, enfin, sur les décisions de la Cour internationale, on n'a pas toujours en attente ce qu'il en faut. Mais il faut voir aussi émerger des nouveaux modèles de justice. Je me rendrai mardi prochain au rendu de la décision du tribunal Monsanto, qui est intéressante, qui n'est pas un tribunal fictif, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il n'a pas d'ambition, bien entendu, de remplacer des tribunaux étatiques ou internationaux, mais le droit qu'il avait appliqué n'est pas fictif. Les personnes qui vont le rendre ne sont pas fictives, ce sont des magistrats, et en particulier la première vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, par conséquent, il serait peut-être intéressant dans vos réflexions par la suite de voir si on peut tirer quelque chose de ce précédent du tribunal Monsanto. Qu'est-ce que c'est? C'est une vaste consultation qui a été prise à partir des documents rendus contradictoirement dans différents États pour répondre à des questions de droit international et à des questions telles que, par exemple, le comportement de Monsanto dans tel procès en Argentine ou à tel endroit. Est-il conforme à la charte de l'environnement? Est-il conforme à la liberté de la recherche? Est-il conforme à différents textes de droit international sur l'environnement? On pourrait penser aussi à cette émergence de réflexion sur le nouvel mode de création du droit. Alors évidemment, on a envie, dans cette floraison de l'avenir, de tout prendre. Mais c'est effectivement une erreur de vouloir tout prendre, si on ne veut pas comprendre. Et si on veut s'aider à comprendre, il faudra écouter 3 exposés qui vont venir dans quelques instants. Le premier sur le nouveau paradigme socio-environnemental induit par le changement climatique, c'est-à-dire le nouveau modèle. C'est ça qui est intéressant. Quel modèle se profile derrière ces différentes actions, ces réflexions? Et c'est, comment dirais-je, notamment aussi d'ailleurs le révélé par la doctrine, il faut le dire tel que cela est. Deuxième exposé, le concept de nature ordinaire. Est-ce que le concept de nature ordinaire est transformé dans son... Je crois que c'est vous qui allez en parler, n'est-ce pas, transformé dans la défense, si j'ose dire, contre le réchauffement climatique. Et puis troisièmement, quelque chose qui m'est cher et que j'essaye d'observer actuellement, c'est la nouvelle responsabilité climatique des États. Ce n'est pas la seule, puisqu'il y a des tentatives sur les de responsabilité individuelle des entreprises. Cette affaire qui a été lancée quand une grande firme allemande qui a échoué. Il y a des procès qui sont en cours actuellement en Asie du Sud-Est, etc. C'est un modèle qui est assez incertain. Peut-être on verra dans la discussion comment on peut l'améliorer éventuellement. Mais je crois qu'on va commencer tout simplement dans l'ordre. Nous allons entendre vers un nouveau paradigme socio-environnemental induit par le changement climatique, c'est-à-dire Martin Torre-Chaube, qui est ici. Vous avez la parole pour, on va dire, 15 de minutes. Hein, c'est 15 à 20 minutes par groupe. On a 3 orateurs, donc on partage même 4, mais ils se divisent. Donc on leur donne un petit peu plus de temps de parole. C'est ça ? Merci, monsieur. Vous parlez près du micro, vous pouvez le détacher. Oui, mais je crois qu'il ne marche pas. En fait. Il ne marche pas ? Il marche. Hein. Hop. Tenez. C'est peut-être mieux. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout manier en même temps, mais je vais essayer. Bon, merci. J'ai intitulé mon intervention vers un nouveau paradigme socio-environnemental, induit par le changement climatique. Effectivement, le changement climatique pose un défi important pour le droit en général, toutes les crises environnementales. Et il s'agit de voir ce que le droit peut apporter à la fois comme levier et les blocages qui pourraient exister. D'où mon questionnement, est-ce qu'il y a un nouveau modèle en fait, qui est en train de se dessiner ces derniers temps à l'intérieur du droit qui serait induit en fait, par les changements climatiques ? Alors d'abord, signaler ce qui est important, les différentes approches que l'homme a toujours eues par rapport au climat et que parfois les juristes ont tendance à oublier parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de recul historique pour le faire. Et c'est important quand même de se rappeler que les rapports entre homme et climat ont intéressé le droit depuis déjà le Moyen-Âge et on a des traces très concrètes à partir du XVIe siècle, surtout quand on pense à la colonisation, à la manière d'utiliser les forêts, en général au droit de propriété, l'affectation, les vignes, les récoltes, la navigation et en général l'occupation de l'espace. Et donc c'est une préoccupation que le droit va avoir pour le climat qui en fait va plutôt vers qu'est-ce que ça va influencer par rapport aux activités de l'homme, par rapport aux propriétés de l'homme, par rapport à la matérialité en fait de l'homme. Et ça va évidemment passer et il va y avoir une préoccupation inversée qui est celle qui nous occupe plutôt aujourd'hui, qui est plutôt quels effets va avoir le changement climatique, pas sur les activités de l'homme, mais quels effets l'homme peut avoir pour changer ces processus en fait, du changement climatique. Donc c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut influencer dans les activités de l'homme pour qu'il n'y ait plus du changement climatique ou pour le freiner. Et donc c'est déjà cette première inversion, ce premier changement dans la manière d'appréhender le climat à l'intérieur du droit qui est déjà intéressante. Mais je ne veux pas m'attarder par rapport à ce premier déjà changement qui est malgré tout important. Et je veux venir au prisme actuel qui est donc celui que j'appellerais le premier changement des rationalités qui prend racine déjà au XIXe siècle avec ensuite un traitement par le droit qu'on connaît actuellement à partir des années 70 qui déjà fait émerger une série de tensions, des tensions assez classiques hein, en droit de l'environnement qui sont des tensions entre industrie et écologie, entre marché et État, entre riches et pauvres. Entre plus démunis et moins vulnérables. Et en fait, ces tensions, on voit que aujourd'hui, avec les nouvelles négociations dans le cadre de l'accord de Paris, accord de Paris que je prendrai dans un sens extrêmement large, avec un amont et un aval de cet accord, donc toute une zone en fait d'influence normative à l'intérieur de cet accord, donc les années qui ont précédé les négociations et les années qui viennent après, et bien dans ce cadre-là, j'ai repéré une série de nouvelles logiques et une série de nouvelles dynamiques qui vont nous permettre de dépasser ces tensions. On sait que Kyoto avait eu un succès très mitigé, qu'il avait, comme certains disent, érigé ce qu'on appelle un mur des Chines, c'est-à-dire un vrai mur entre pays de l'annexe 1 et de le non-annexe, ou pays développés et en voie de développement, enfin on peut utiliser le vocabulaire qu'on souhaite. On a eu des nouvelles tentatives à Bali, on a créé diverses plateformes, etc. Et on a entamé ce processus à Durban qui a fini dans l'accord de Paris, et même si ces tentatives avant n'ont pas réussi, il y a un certain nombre de matériels qui sont importants et qui vont influencer dans ces changements que je vais juste décrire. Alors pour moi, ces matériaux qui sont avant l'accord, l'accord lui-même, toute la zone d'influence normative en fait et juridique de l'accord font émerger trois nouveaux paradigmes que je résumerai en solidarité, responsabilité et gouvernance. Alors, pour aborder ces différents paradigmes, j'ai décidé de faire un plan plutôt classique. D'abord, j'observerai les nouvelles logiques qui émergent et ensuite les nouvelles dynamiques. Alors, dans les nouvelles logiques, ce sont d'abord donc des logiques que j'ai appelées des coopérations, des solidarités et d'équité. Alors, à partir de quel terrain on peut observer ces nouvelles logiques? D'abord, sur un terrain des logiques économiques, et ensuite sur un terrain des logiques un peu plus sociales et des justices. Par rapport aux justices, d'abord aux nouvelles logiques plus économiques, il faut d'abord parler du un marché, de l'émergence en fait d'un marché qui se voudrait plus équilibré, plus fondé sur la solidarité. Et ce mouvement-là, il monte en fait en puissance avec la proposition des réformes du marché des permis d'émission dans le cadre européen, qui a été proposé en juillet 2015 et qui est de toute évidence dans, dans la zone d'influence, que, comme je l'ai appelé, de l'accord de Paris. Ce n'est pas un hasard. Ça avait commencé déjà en 2014 au sein de l'OCDE, à l'UNEP, donc des discussions, même aussi en 2013 avec le 7e programme d'action de l'Union européenne. Et c'est cette idée de rééquilibrage des forces, de une redistribution plus solidaire en fonction du PIB par rapport à des pays qui ont plus ou moins des capacités dans leur possibilité d'aller vers une transition énergétique. Deuxième grande manifestation de ce changement des logiques économiques, c'est évidemment le sortir du business as usual, donc construire une transition. Ça fait partie aussi de cette nouvelle logique économique qu'on voit émerger autour de l'accord de Paris et ces dernières années, avec un nouveau paradigme énergétique qui nous propose de produire autrement, de consommer autrement, et qui va aussi proposer une nouvelle configuration entre l'État et le marché, puisque les aides d'État au niveau européen vont s'assouplir pour laisser la place à une certaine aide, une propulsion des États pour aller vers cette transition. Il y a aussi une nouvelle configuration par rapport à ça. Et évidemment, la France, qui est pionnière en fait dans cette mouvance et qui se prépare déjà dès 2012 pour sa loi sur la transition énergétique de 2015, pour être dans ce process en fait, dans ce changement finalement des logiques économiques assez intéressantes. Deuxième grande logique qui vont changer, c'est des logiques sociales. et de sortir en fait d'un discours très marchand sur le changement climatique et le traitement juridique du changement climatique par des instruments économiques, vers d'autres moyens aussi d'aborder le changement climatique de la part du droit. Et c'est notamment la notion de justice climatique qui est intéressante à cet égard, qui va apparaître dans le préambule de l'accord de Paris, au paragraphe 10, au paragraphe 11, mais qui naît bien avant, dès le milieu des années 2000, qui est porté par des ONG, qui est porté en dehors des conférences des parties, mais dans les side events, donc à la fois dehors et dedans. Donc c'est assez intéressant cette articulation en fait de d'émergence des dynamiques parallèles et pas concurrentielles, mais pas non plus forcément coopérative, et qui va porter cette notion de justice climatique et cette nouvelle logique va porter évidemment les questions de pauvreté, des questions de vulnérabilité, des questions d'adaptation, des questions d'emploi aussi, les questions quand même d'emploi pour les premières fois, alors qu'avant on n'en parlait pas tellement dans les connexions emploi et changement climatique, la question de la parité homme-femme qui est également portée, tout en ayant un ancrage sur la dette écologique, une transition plus juste. Donc on voit bien que cette notion de justice climatique qui apporte une note des recherches d'équité aussi est portée par la société civile, donc dans un mouvement quand même de bottom-up, ce qui m'amène vers ma deuxième partie qui est celle des passer de ces nouvelles logiques qui émergent vers des véritables nouvelles dynamiques qui vont accompagner la réflexion juridique sur le changement climatique. Alors, ces nouvelles dynamiques, je les ai divisées en deux points principalement. J'essaie d'aller vite pour être dans le temps, Monsieur le Président, et je me rapporte à ma contribution écrite ultérieure ou alors aux questions. Donc, dans cette nouvelle dynamique, il y a un déplacement des foyers des discussions juridiques et un déplacement aussi des foyers des créations normatives. Alors, le déplacement des foyers des discussions, ça a un certain rapport à ce qu'a dit Géraud tout à l'heure, hein, mais pas tout à fait. Donc il y a un déplacement du centre névralgique de la discussion. On n'est plus seulement dans les conférences des parties, on n'est plus seulement dans les négociations au niveau des États et supra-étatiques, on est aussi dans l'infra-étatique et aussi dans le rôle très important des ONG, des associations, mais aussi, et on a parfois tendance à l'oublier, les sociétés savantes, les fondations philanthropiques qui font en fait des véritables propositions normatives qui vont participer aussi dans la construction d'un droit du changement climatique et qui nous apportent en fait des nouvelles dynamiques dont le droit doit vraiment tenir compte. Et dernier point, le déplacement des lieux des créations. De la norme, donc aussi une nouvelle configuration donc de ces foyers de création avec un véritable mouvement bottom-up donc de la société civile avec évidemment ce qu'on a évoqué tout à l'heure qui est la mobilisation du droit par la société civile dans un contentieux climatique et qui est un peu le summum, je dirais, le renversement des tendances, la tendance bottom-up, la tendance, la nouvelle dynamique en fait dans cette construction normative du changement climatique avec bien évidemment une tendance à demander des responsabilités à l'État, donc la construction d'une responsabilité climatique des États avec la sortie surtout du point de vue juridique très intéressante de l'impasse Dommage à tous, dommage à personne, harm to all, harm to no one, qui était un peu ce qui bloquait véritablement la société civile dans sa demande de justice et dans sa demande de responsabilité, et qui maintenant va changer parce qu'on va reconnaître la responsabilité de tous, tous responsables. Donc un changement véritablement normatif important porté par la société civile. Je ne m'attarderai pas sur cette question de la responsabilité, puisqu'il y aura tout à l'heure deux exposés sur la question, mais juste souligner qu'est-ce qui est important, c'est que dans cette demande des responsabilités de l'État de la part de la société civile, et donc dans ce déplacement en fait des lieux de création du droit, on a des notions classiques comme le devoir de diligence, des notions moins classiques mais qu'on connaît très bien déjà dans le changement climatique qui est le principe des précautions et des droits nouveaux ad hoc qui émergent dans cette dynamique contentieuse importante. Alors, quelques éléments des conclusions, ce ne sont pas des conclusions définitives, c'est juste des analyses comme ça que je vous livre, dont on pourra discuter tout à l'heure. Et effectivement, cette amorce des changements, c'est un constat. Ce passage quand même du tout marché à une vision plus sociale du changement climatique, c'est important. Le fait que l'accord de Paris lui-même et tous ces changements, ces nouvelles logiques, ces nouvelles dynamiques font partie d'un process continuel, donc une évolution constante et permanente qui intéresse particulièrement les juristes, et aussi l'émergence, la construction d'un nouvel, finalement, un nouvel espace démocratique des discussions et des créations normatives qui est tout à fait intéressant à accompagner et à observer. Et juste pour conclure quand même sur une note un peu plus interrogative, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça aussi, et pas uniquement pour nous réjouir, quelle est l'efficacité finalement de ces nouvelles logiques et de ces nouvelles dynamiques? Est-ce que du point de vue juridique, finalement, il y aura effectivement des effets? Donc à suivre. Merci. Bien, merci Madame Martha Torre-Chaub. Quand on parle de changement, on sait à peu près ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir de nouveau. Grâce à vous, on sait à peu près où on va aller. Je vous remercie. Mais à partir de ce nouveau paysage qui repose sur de nouvelles valeurs universelles, l'équité, la solidarité, quelle est la